Dimanche, le 1er mai, c'est la Grande Marche pour la forêt. Ici Jean-Pierre Boivin, président d'Alliance Forêt Boréale. Je vous invite à vous joindre aux élus municipaux et aux travailleurs de la forêt pour affirmer votre appui à l'exploitation durable de notre ressource forestière, créatrice de richesses chez nous. Soyez au rendez-vous à 11h à l'Hôtel de Ville de Saint-Félicien. La foresterie, c'est aussi une solution au changement climatique. On va parler du Marcos Pop de Saint-Félicien. Le Marcos Pop de Saint-Félicien qui s'est incliné en Coupe Dodge 5-4 contre l'équipe de Chaudière-Appalaches et la région de Québec. On doit être déçu, mais en même temps, on doit être content. On en parle avec l'instructeur-chef David Boudreau. Salut, David. Salut, Danny. David, déçu ou content? Certainement qu'à quelque part, on doit être déçu. Par contre, on doit être content de l'année, là, parce que quelque part, écoute, il manquait qu'un but, là. Ça fait raison, là. Déçu, puis oui, content. Déçu et fatigué, déçu et fier de mes joueurs. Écoute, c'est un match, c'est pas une série 4-7 qu'on a joué, là. C'est un match d'hockey. On a joué 5 en fin de semaine. Je l'avais dit au début, quand on s'était parlé, là, une semaine, c'était du calibre de qualité là-bas qui se présentait à Coupe d'Ouche pour le budget 2B. L'équipe de Val-d'Or, c'est une équipe redoutable également, qui ont perdu la demi-finale. L'Outaouais a créé une belle surprise aussi. On joue du beau hockey. La Richelieu encore, la Mauricie surprise est éliminée après le troisième match, une grosse équipe la Mauricie. Fait que, tu sais, dans un match comme ça, dans un tournoi comme ça, la Coupe d'Orge, que l'intensité est à son maximum, ben souvent c'est les petits détails qui font la différence. Ah, clair. Puis, mais qu'est-ce qui a manqué? Honnêtement là, je veux dire, je suis pas pour parler parce que c'est mon équipe, c'est mon match, mais j'aurais aimé ça que le match aurait été filmé puis qu'on vous montre le match. Pour vous montrer c'est quoi du beau jeu, du beau midget 2B, même s'il n'y a pas de mise en échec, même s'il n'y a pas de contact physique, c'est un match qui est extrêmement dur. Ben, jouer rapidement des beaux athlètes, des bons joueurs de hockey, de la discipline. Honnêtement, là, c'est les ingrédients pour une belle soirée de hockey, là, puis tu dis, waouh, ça, là, c'est des jeunes qui se défoncent, qui n'ont pas de salaire, mais qui vont avec leur cœur, là. Il a manqué, Danny, je peux pas dire qu'il a manqué quelque chose. C'est tout ce qui a manqué, c'est qu'on ait plus de buts que l'adversaire. Mais au-delà de ça, Danny, c'est un match incroyable entre deux grosses équipes. On pourrait jouer ce soir contre Bellechasse, on pourrait les battre 5-3, puis on pourrait jouer demain, puis perdre 4-2, puis on pourrait jouer après ça, puis gagner 8-1. C'est ça, le hockey, Danny. Tout se déroule sur la glace. Ça se déroule entre des jeunes qui jouent au hockey. Puis les petits détails font la différence. On part, hop, un mauvais but, hop, une punition, hop, une mauvaise passe, hop, un tir à côté du but, hop, un poteau, hop, un arrêt du gardien. Tout se passe dans une fraction de seconde dans ce jeu de hockey-là. Puis moi, au-delà de la victoire, c'est sûr qu'on est déçus, pareil, parce que notre but était vraiment de gagner la Coupe d'Or pour la première fois de l'histoire à Saint-Félicien. Ouais. Mais au-delà de tout ça, Danny, là, moi, honnêtement, ce que je retiens le plus, là, c'est la fierté que j'éprouve pour mes petits gars qui sont défoncés jusqu'à la fin. On n'a jamais, jamais, jamais lâché. Ouais, c'est clair. Ça, c'était vraiment quelque chose de très intéressant. Cinq matchs, c'est beaucoup, mais est-ce que c'est beaucoup, dans le fond? Cinq matchs dans une fin de saison? Ouais. Nous, on était chanceux. On avait comme un genre de bail. Là, on a cinq matchs pour plus de titre. Honnêtement, c'était ma quatrième Coupe d'Or, puis c'est celle-là que je trouve qu'on a eu beaucoup de pertes de temps, là, beaucoup de temps libre. Okay. On a commencé le jeudi matin à 10h, puis en gagnant, on a rejoué le vendredi soir à 18h. On avait 36 heures de lousse entre les deux matchs. Okay. Puis après ça, on a gagné le vendredi soir, puis on a rejoué juste le samedi soir après ça, notre troisième partie. Fait que c'était un peu dur, mettons, de motiver les petits gars, de dire, ben, de rester tranquille, garder de l'énergie. On est à Montréal même, il faisait beau à Montréal, c'était le fun. Mais, je veux dire, c'est un bel environnement. Alors, j'ai pas à me plaindre. On était parti, il n'y a pas de neige à Montréal comparé à ici. On a vu des photos passer vendredi matin. Il y a une tempête sans l'air d'aller tomber. Nous, il fait 15 degrés là-bas. C'est nuageux par contre, mais il n'y a aucune neige. Là, le monde est quasiment chaud. OK, ah, c'est clair. C'est dur de garder le focus dans ce temps-là. Là. Ben, on était beaucoup dans les chambres, beaucoup de réunions d'équipe, beaucoup de réunions de joueurs, beaucoup de systèmes. On parle des rôles de chacun, on rencontre, on prend des dîners ensemble. Tu sais, mais on veut jouer au hockey, là. On veut être à l'aréna, on veut voir des matchs de hockey. Puis notre site aussi, on était à une demi-heure d'autobus, là. Dans Montréal, une demi-heure, c'est long, là. C'est lumière arrêtée. Fait qu'on était loin, tu sais, on peut pas non plus y aller voir les matchs Fait qu'on était comme un peu enfermé dans notre chambre, puis dans notre motel. Mais c'est pas l'idéal, mais c'est bien pareil. Là. OK. À quoi va ressembler l'équipe l'an prochain? Est-ce qu'il va y avoir beaucoup de changements? Normalement, quand on sera en finale de la Coupe d'Or, c'est qu'il y avait beaucoup de vétérans, donc j'imagine qu'on va être une équipe en reconstruction, j'imagine? Rénovation. On n'est pas dans un plein quinquennal comme les Canadiens de Montréal. Mais en rénovation, peut-être, non? Moi, je pense que malgré que les vétérans vont partir, j'avais 9 vétérans qui s'en vont. Moi, toutes les années, il y a des joueurs qui sont nouveaux qui arrivent. Là. Cette année, j'avais un joueur que j'ai choisi, qu'il a fait l'équipe. C'est la première fois qu'il a fait le sujet 2B de sa vie. Okay. Il n'a pas fait encore. Fait que, quand on est sur la glace au camp d'entraînement, on regarde les jeunes, leur rôle et leur capacité, nous, on va en fonction de notre équipe qu'on veut avoir, puis on choisit les individus. Fait que je suis certain qu'au prochain camp d'entraînement, on va avoir encore une certaine de joueurs qui vont être présents et qui vont se donner pour faire partie de l'équipe. OK. Toi, tu reviens l'année prochaine, j'imagine? Présentement, je suis en réflexion. 95% c'est non. Non, OK, ouf, monsieur, OK. C'est une 95%, c'est la dernière année, là. C'était une décision que j'ai prise au mois de janvier. Là. J'ai comme regardé un peu ce qui s'en est puis ce qui s'en vient. Ce moment-là, je veux dire, c'est pas un manque d'intérêt, c'est pas un manque, honnêtement, c'est encore la passion est encore là, la vie, c'est vraiment pas ça. Okay. C'est uniquement peut-être on regarde autre chose. Okay. On met d'autres défis, d'autres. Ceux que mettons, je t'aurais dit 100% on va gagner la Coupe d'Or dimanche. C'est pas le cas, là, on va laisser aller un peu les émotions, si tu veux. On va reprendre un peu notre vie normale du travail puis de l'école. Ouais. La vie normale, la vie quotidienne normale. On va repartir le baseball bientôt à 7h Saint-Félicien. Je vais repartir avec ma gang de crinqués de baseball à Saint-Félicien. Et après ça, moi, je veux dire, je te dis 95% c'est non présentement, 5% c'est oui. Dominique Michel a toujours dit qu'il revenait pas, parvenait tout le temps. Fait que ça peut être un peu comme ça pour moi. David, justement, je veux t'en parler de baseball. François Potvin, à Normandin, rêve d'une petite ligue. À Robert Val, semble-t-il qu'il y aurait des possibilités également. Je sais que toi, pour avoir fait une entrevue strictement sur le baseball il y a quelques années, tu disais non, on joigne pour le fun. Mais une petite ligue, ça pourrait pas être intéressant, ça? Oui, puis non. C'est intéressant, oui. Le seul petit hic que moi je perçois, c'est les bénévoles. J'ai des gros hivers, hein. J'ai des hivers qui sont assez pris. Je ne veux pas m'embarquer encore dans des saisons de baseball qui terminent au fin août, puis je recommence les gars, j'ai pas de vacances de l'été, là. Je veux dire, moi, je suis enseignant, là, j'ai la chance d'avoir un beau petit mois et demi de congé de vacances. Ma copine, mon enfant, quand j'arrive l'hiver, ben, je suis pas souvent à la maison. Fait que quand j'arrive l'été, j'aime ça être présent. Le baseball, c'est prenant aussi. Là. On fait 2 pratiques par semaine, puis il y a des matchs les fins de semaine. On va encore à Chicoutimi, on va à Jonquière, on va à Alma. Avoir une ligue régionale ici, seulement qu'il y a Saint-Félicien, Robert-Val, Delpo puis Normandin, ça pourrait être très bien. Moi, je recommence avec la base, avec mes élèves. On fait de l'initiation. Là. Moi, c'est mon but, c'est de faire de l'initiation. On fait 10 pratiques. Ça dure 5 semaines. Okay. Puis on fait 10 pratiques. Puis à la fin, au mois de juillet, j'ai toujours 2-3 matchs aller-retour contre Normandin. Ouais. Pour moi, ça me satisfait pleinement. Les parents aussi, on termine le 7 juillet. Il y a des parents qui sont bien contents parce qu'eux aussi partent en vacances. C'est eux. La plupart des parents, maintenant, ont des campeurs, des pifouilles, ils vont en camping, ils vont en voyage. Quand arrive l'été, là, le soccer, ils s'en rendent compte un peu. Là. Ils débutent au mois de mai, ils sont 18 joueurs par équipe. Puis quand il y a des matchs au mois de juillet, pour aller jouer à Chicoutimi, ils se ramassent un joueur. Là. Okay. C'est le baseball, c'est un peu ça aussi. Il ne veut pas me ramasser avec 12 joueurs, 13 joueurs, puis qu'on ait un match à Alma, puis qu'on est 7, puis on déclare qu'on se fait. C'est ça. Un peu triste, là. Ouais. Moi, présentement, je ne vois pas la nécessité de faire une ligue encore. Je ne vois pas, parce que présentement, à Robert-Val, il n'y a pas eu de ligue encore. C'est pas encore décollé, fait que là, il recommence vraiment à la base. Okay. À Delbo non plus. Il y a eu une année, là, il y a 2 ans, l'année passée, il n'y a absolument rien eu en baseball. Moi, ça fait 5 ans que j'en fais, puis honnêtement, je te dis qu'après 5 ans, je ne suis pas encore prêt de joindre une ligue élite parce que. J'ai beaucoup de joueurs, je fais pas de différenciation entre les meilleurs et les moins bons. Moi, c'est là, on s'amuse, on apprend à lancer une balle, on apprend à frapper une balle, on apprend à courir et à frapper. Puis les jeunes semblent vraiment satisfaits. Je veux pas dire que je suis pas en faveur d'une ligue, non. Sauf que moi, probablement dans mon coin de pays, là, ce qui est vraiment qui est winner, qui marche vraiment bien, c'est vraiment 5 semaines, deux pratiques par semaine, puis deux matchs qu'on dormait dans les retours. OK, OK. Ben, David, félicitations encore une fois. Tiens-moi au courant de ce dossier-là, voir si tu reviens à la barre de l'équipe. Semble-t-il que non, donc de toute évidence, c'est non. Mais on sait jamais. Fait que puis bravo si tu reviens pas. Et merci de ta collaboration au fil des années. Merci beaucoup, David. Voilà, David Boudreau, l'instructeur chef du Marcos Pop de Saint-Félix.